Tu veux savoir c'est quoi la France? 1 million sous antidépresseurs. Une femme violée toutes les 2 heures. Tu veux des chiffres, je vais t'en donner. On compte 2 millions de chômeurs. Même ceux qui taffent ne s'en sortent pas. 3 millions de pauvres travailleurs. La France, c'est aussi 13 000 suicides par an. 65 000 détenus, 50 000 places en prison, 800 000 SDF. Sans logis, sans hygiène, les ennuis, la détresse. Sois logique, je t'en prie, merde. Il est temps que les choses évoluent. En fait, je crois que le plus gros combat, c'est dans la tête. Sous un balcon 7 sur 7, pourtant personne ne jette son argent par la fenêtre. On sait, si y'a le client, on sait, il est pas content, on l'arrange. On reste sérieux dans nos affaires, que des teigneux qui l'ont amer. Ouais c'est périlleux et dans la merde, y'a ceux qui sautent être la première. Et ceux qui y sautent en saut périlleux arrière. Les yeux véreux après la bière, c'est mieux pour faire la fête. Sans alcool, elle est plus molle, beaucoup moins drôle en fait. Je me dois de vous mettre en garde, et à dire vrai, l'abus d'alcool est dangereux au volant, mais aussi pour l'amitié. Donc perso, moi j'ai ralenti sur ça. Prends juste des longues si tu roules avec moi. Faut qu'on évolue, wesh la famille, venez on fait tout pour. J'espère devenir meilleur, pas que dans mon rap, mais dans ma vie de tous les jours. Et ça me casse les couilles, c'est triste mais c'est comme ça. Tu crois que c'est ton rap, s'il a du shit il t'appelle pas. Y'a beaucoup d'escrocs, j'te le dis moi. La rue c'est comme la télé, plus le mensonge est gros, plus on y croit. Alors faut réfléchir mon frère. Et puis faut qu'on s'éveille, tu peux choisir de t'instruire ou faire la guerre. Y'a différentes façons de se mettre du plomb dans la cervelle. Fais le bon choix et sache que même le marchand d'armes, un beau jour se prend en pleine tête sa propre balle, parfois même de sa propre arme. Et fie-toi, les balances c'est comme les anges, ils ont pas la gueule que tu crois. Et c'est là qu'est tout le charme, tout comme tes femmes téléguidées par Shaitan. Du coup je baisserai pas n'importe où, je te blesse, c'est folle. Y'a pas que le sida à éviter poto, y'a le soul. Et je manque d'espace, je pourrais pas tout dire. Alors j'en passe, des meilleurs et bien des pires. Trop d'obstacles sur ma route, du mal à le vivre, des doutes. Et ça me dégoûte comme quand les gens font semblant de rire. Après tu prends confiance, y'a peu de cas que j'estime. Mon bras droit c'est celui-là avec lequel j'écris ces rimes. T'écoutes ces lignes, tu te retrouves, tu trouves des signes. Si je l'influence, j'irai à ton petit frère qui loue ses livres. Parce que la vie est dure, et elle est encore plus une fois que t'as niqué tes études. Et sois-en sûr, tu finis blasé de la vie de rue. Elle est remplie de lassitude, cramée à trop chauffer le bitume. Et y'a plus de sentiments, les jeunes pensent qu'au sexe. Oui, l'amour est dans le pré et la haine, elle est au checks. Les milliardaires nous observent s'entretuer dans la débrouille. Oui, la colline a des yeux et la ville a des couilles. Et je me rends compte qu'en vrai, y'a peu d'espoir. Mais je peux rien dire, je paye pas ton loyer, t'iras faire ton petit coup ce soir. Les petits sont dans le besoin, crois pas qu'ils tueront pour la gloire. Chez nous, y'a pas Robin des Bois, si tu voles, c'est pour ta poire. Et ouais, tu joues les bandits, pendant que ta mère, elle se fait du souci. Fais-lui plaisir, sahbi. T'as des roros, remplis le frigo. Vois plus tard pour les habits, vas-y. Pendant que dans le bloc, ça chuchote de cul de chat. Te plains pas quand tu te lèves du pied gauche, t'aurais pu être cul de chat. La vie c'est pas un conte de fées, petite, tu dis ça, je dis rien. T'apprendras seul comme mes hormones, ça ne rime pas pour rien. Quant à toi, le couze, méfie-toi si elle te dit qu'elle est vierge. Elle s'est peut-être fait casser le derche. Et au final tout ça s'apaise. Et ouais zebi, je veux des yebis, m'arre des pièces. Y'a que la violence qui est blèche. C'est que le début, je sais très bien qu'il est pas fini le chemin. Je crois en Dieu, Inch'Allah, je rentre dans le jean demain. J'ai eu de la chance, tu nais en France pendant que je rime bien. Y'a encore des antipersonnels qui explosent mine de rien. Ça reste facile à s'imaginer, mais dur à croire. C'est dû à quoi, franchement je sais pas. C'est peut-être l'homme qui soucie que de ce qu'il voit. Franchement, je sais pas, c'est peut-être l'homme qui soucie que de ce qu'il voit. J'ai comme l'impression que l'être humain est déboussolé. L'impression qu'il ne voit plus loin que le bout de son nez. Déboussolé. Comme l'impression qu'il est déboussolé. Oui, déboussolé. Comme l'impression qu'il est déboussolé. Pour parler, à quoi ça sert? Si on peut passer un message, on fera ce qu'il y a à faire. Éduquer les petits frères. On fera ce qu'il y a à faire, parler pour parler. À quoi ça sert si on peut passer un message? On fera ce qu'il y a à faire. Éduquer les petits frères. On fera ce qu'il y a à faire. Hey, petits frères, on n'est pas sur terre pour jouer les gangsters. Va à l'école, écoute tes grands frères. T'as besoin de son père, fais honneur à la daronne et rends fier ton père. Hey, petits frères, on n'est pas sur terre pour jouer les gangsters. Va à l'école, écoute tes grands frères. T'as besoin de son père, fais honneur à la daronne et rends fier ton père. Il faut que le quartier change. que le quartier change. Il faut que le quartier change. Que le quartier change.